Ces derniers devraient donc, selon Gachaka, accepter d'endosser la responsabilité de toutes les conséquences qui en découleront. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. La SOA Burundi Antenne Bujumbura dément les propos du président de l'association des malades et membres de cette organisation, des propos tenus ce lundi faisant état d'une certaine opacité dans la gestion de la caisse sociale. Tafroze Gakobga, chargé du service social à la SOA Burundi, dit ne pas comprendre l'attitude de ce responsable de la dite association, de surcroît non signataire sur leur compte. Suivez-la. Oui, je le connais bien. Eric Habyarimana est président justement de cette petite caisse qui s'appelle Shigikirane. Et nous avons une caisse qui est là. Nous avons ouvert un compte à la CSM. C'est un compte qui est très, très transparent, qui est parlant parce que nous avons même refusé de chercher des chéquiers parce qu'avec le chéquier, on ne peut pas voir la situation comme il faut. Mais avec le carnet de caisse, on peut suivre les opérations, les versements, les retraits, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit que ce n'est pas transparent, alors que chaque fois, il passe à la soie, il me demande la situation, je lui donne le carnet, il y consulte le carnet et dernier mois, au mois de novembre, nous avions une réunion de l'Assemblée générale. C'est lui-même qui a dit aux membres, aux bénéficiaires de la SOA, le montant qui est sur le compte. Ensuite, il a dit qu'il y a des déficits dans le compte. Il n'y a jamais eu de déficit. J'ai un carnet ici, vous pouvez le consulter, vous pouvez le voir. Il a dit qu'on n'assiste pas les gens qui sont hospitalisés. Moi, j'ai des fiches ici, j'ai des factures ici, vous pouvez voir comment on assiste les gens. Vraiment, je dois vous dire que ce qu'il a dit est archi-faux. Vous affirmez qu'il y a une transparence totale au niveau de la gestion de cette petite caisse. Si, il y a une grande transparence. Vous pouvez le voir même. À base des carnets de la CCM, vous pouvez le voir. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai même refusé de chercher un chéquier parce que je voudrais justement que ça soit transparent, qu'on puisse suivre les mouvements de retrait ou de versement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une somme d'argent dont le montant n'est pas connu, ainsi que les marchandises, ont été volées cette nuit par un groupe de bandits dans le quartier Nyaouguete de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Ferdinand Nahabandi, chef de quartier Nyaouguete, fait savoir que ce vol a été commis dans deux ménages où ce groupe a utilisé de grosses pierres. Les voleurs ont aussi blessé une personne et une fille d'environ 13 ans a été violée. Le chef du quartier lance un appel à la population à veiller pour leur sécurité. Certaines personnes de la commune Kabezi en province de Bujumbura se plaignent des vols perpétrés contre leurs plaques solaires. 36 plaques solaires ont été volées au cours des trois derniers mois de l'année 2016, chiffre donné par certains chefs collinaires. La population demande aux forces de l'ordre d'intervenir à temps, car ces forces arrivent au moment où elles ne peuvent rien sauver. La commune Kabezi est l'une de la province Bujumbura qui n'a pas d'électricité de la régie des eaux. La police de Lumonge a déjà saisi 59 motos depuis le début de cette année en cours. Pour les unes, les propriétaires n'ont pas de documents complets. Et pour les autres, leurs chauffeurs ont circulé au-delà de 18h30 alors que c'est interdit. Les concernés crient à l'injustice. Et de son côté, OPS1 Donatien Manilakiza, commissaire provincial de police à Lumonge, dit que c'est une mesure prise pour sauvegarder la sécurité. Ce responsable policier informe que ceux qui ont dernièrement dessiné des croix sur certaines maisons de la ville de Lumonge sont déplacés à moto. La mesure prise par le chef d'antenne régionale Centre-Est de l'urbanisme visant à exiger de construire des maisons en étage dans le nouveau quartier de Zegesi dans la ville de Gitega n'a pas du tout plu à certains parmi les acquéreurs de ces parcelles. Ceci indique qu'ils sont dans l'obligation de vendre leurs parcelles à ceux qui ont les moyens de construire les maisons en étage. Et cela étant, la direction de l'urbanisme à Gitega indique que cette mesure a été prise dans le but de redorer l'image de la ville de Gitega qui va bientôt devenir la capitale politique. Arthur Kavaouchi. Comme ça se trouve dans cette mesure du chef d'antenne régionale centriste de l'urbanisme, tout individu ayant reçu une parcelle dans le nouveau quartier de Zégué ne lui est pas permis d'y construire une simple maison. La même mesure stipule que seules les maisons en étage sont acceptées, au minimum une maison à un seul niveau, R+1, et qu'elle concerne toute parcelle non encore bâtie. Ainsi, la situation est telle que beaucoup de parcelles ne sont pas bâties. Ainsi donc, pour ceux qui avaient reçu reçu l'autorisation de bâtir des maisons simples, la direction de l'urbanisme à Gitega leur exige de faire changer les plans de construction et de redemander l'autorisation de construire. Parmi ceux qui n'ont pas encore commencé à construire, mais qui y ont acheté des parcelles, il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de cette mesure, étant donné qu'ils ne sont pas capables de construire des maisons en étage à cause du manque de moyens et que même la conjoncture économique du pays le montre. Ils indiquent qu'ils vont chercher des personnes capables de construire en hauteur pour qu'ils leur achètent ces parcelles, même si c'est difficile d'en trouver actuellement. Un autre groupe d'acquéreurs de parcelles est constitué par ceux qui avaient déjà fait des plans de construction de maisons simples et qui avaient reçu l'autorisation de bâtir. Ils indiquent qu'ils sont sans moyen de construire des maisons en étage et que cette décision vient les enfoncer. Sachez que cette mesure vient pour redorer l'image de la ville de Gitega, étant donné que la province de Gitega sera bientôt la capitale politique du pays. Arthur Kava, vous suivez Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Le prix du sucre varie entre 3000 francs et 3500 francs burundais le kilo. Dans certains quartiers comme Nyakawiga et Brisa, c'est en commune et Mukaza, en mairie de Bujumbura, où la radio Isanganiro a pu passer aujourd'hui. Les détaillants indiquent qu'ils procèdent à la vente par cuillère et du côté des acheteurs, ceux-ci demandent que ce sucre soit disponible sur le prix fixé par la Sosumo. Les détails avec Christella Nizigama. Là où la radio Isanganiro est passée, dans les boutiques du quartier Nyakawiga, 3e et 2e avenue, le prix du sucre varie entre 3000 et 3500 francs bourg. Les détaillants font savoir que, suite à la pénurie du sucre chez les grossistes, ils préfèrent acheter 3000 francs bourg par kilo et procèdent à la vente par cuillère, soit 100 francs bourg, pour faire écouler d'autres articles comme le pain. Même cloche de son au quartier Bgiza, certains détaillants n'ont pas de sucre, d'autres indiquent qu'ils préfèrent acheter 3 kilos pour ensuite vendre par cuillère. Et du côté des acheteurs, cette femme indique qu'elle a acheté le sucre par cuillère et fait savoir que le favori fait parler de lui chez certains vendeurs. Je venais chercher du sucre pour les enfants. J'ai circulé partout, maison enfants. Là où je l'ai trouvé, il est vendu à 3000 francs burundais, mais certains le vendent en cachette et à ce même prix, mais pas officiellement. Et d'autres vendeurs préfèrent donner ce sucre à quelqu'un qu'ils connaissent, toujours à 3000 francs bourg. Par ailleurs, on paie 100 francs par cuillère et cela ne suffit pas pour une tasse. Puisque le directeur général de la Sosumo a déclaré que les stocks sont pleins de sucre, nous demandons que ce sucre soit distribué convenablement pour que toute la population ait accès à celui-ci. Que ce soit du côté des vendeurs et des acheteurs, ils demandent que ce sucre soit disponible sur le prix fixé par la société Sosumo. Merci Christelle. Je rappelle que le prix officiel pour le sucre est de 2200 francs burundais le kilo depuis lundi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Actualité internationale pour vous dire qu'en Syrie, après les affrontements de ce mardi, malgré le cessez-le-feu de la semaine dernière, le bilan varie d'une organisation à l'autre. Certains parlaient de 25 et d'autres 40 victimes. Aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama, le président, se rend au Congrès pour une réunion à huis clos avec les élus démocrates et pour une stratégie d'empêcher les républicains a supprimé la loi sur la couverture sociale. Et en France, les enquêtes sur les accusations portées contre ces soldats en Centrafrique n'ont dénoncé à aucun examen médical. Le point avec Placide Niomungue. Après sa mission à Minusca, les soldats français ont été accusés d'agresser sexuellement les mineurs. La France a enfin engagé des enquêtes qui ont été notifiées le 20 décembre 2016, mais n'ont débouché sur aucune mise en examen. Selon le site de Jeune Afrique, ces militaires désignés comme pouvant être les agresseurs des enfants ont été entendus, mais aucun n'a été mis en examen. Ils ont confirmé aux enquêteurs d'avoir donné des rations alimentaires aux mineurs, mais ni tout abus sexuel. Les parties dispose encore un délai de 3 mois pour demander de nouveaux actes d'enquête avant les réquisitions du parquet de Paris et une décision définitive des juges. Aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama sera ce 4 janvier au Congrès pour une réunion à huis clos avec les élus démocratiques de la Chambre des représentants et du Sénat. Le but du président sortant est d'élaborer avec la minorité démocrate une stratégie qui empêcherait les républicains de supprimer la loi sur la couverture sociale, mettant en place une carte d'assurance maladie dite Obamacare. Ce dossier était annoncé comme la première mesure susceptible d'être votée par le Congrès élu en même temps que Donald Trump. Et pour terminer, les combats continuent en Syrie, malgré le cessez-le-feu décrété la semaine dernière, notamment dans la localité rebelle de Wadi Balada, à une quinzaine de kilomètres de Damas, particulièrement stratégique, puisqu'elle abrite des ressources en eau qui alimentent la capitale. Plusieurs raids ont frappé mardi les judaïstes. L'ancien Front al-Nosra accuse dans un message d'application cryptée Telegram les avions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis d'avoir mené ces bombardements. Côté bilan, l'observateur syrien des droits de l'homme parle de 25 morts, alors que la télévision panarabe Al-Mayaden, proche de Damas, avance quant à elle un bilan de 40 victimes. Merci Placide. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Huitariho.